c'est un matin qu'il s'est levé. Oh, Disgaïa, Disgaïa, Disgaïa, ya, ya, c'est un matin qu'il s'est levé. Le fils du roi des démons, Edna était là, auprès de son roi. Oh, Disgaïa, Disgaïa, Disgaïa, ya, ya, Edna était là, auprès de son roi. Et ils vainquirent Minimos, au détour d'une lame, après cette bagarre. Disgaïa, Disgaïa, Disgaïa, ya, ya, au détour d'une map, après cette bagarre, ils rencontrèrent la belle Flône. Elle était chargée de tuer la harleuse. Disgaïa, Disgaïa, Disgaïa, ya, ya, elle était chargée de tuer la harleuse. Mais elle finira par le suivre avec les prémices des drôles de pingouins. Disgaïa, Disgaïa, Disgaïa, ya, ya, avec les prémices des drôles de pingouins. Ils vont survivre dans ce monde. L'arbre sang, sauras-tu un jour? Oh, Disgaïa, Disgaïa, Disgaïa, ya, ya, l'arbre sang, sauras-tu un jour? Apprendras-tu à aimer? L'arbre sang, sauras-tu un jour? Oh, Disgaïa, Disgaïa, Disgaïa, ya, ya, l'arbre sang, sauras-tu un jour? Apprendras-tu à aimer?